Chapitre 18e. Les Stanhope chez eux. Revenons aux Stanhope et voyons ce qui s'était passé chez eux après le retour de Eula Thorne. Charlotte, qui était revenue avec sa sœur, attendait avec une impatience anxieuse la seconde arrivée de la voiture. Elle ne descendait pas à la porte, ne se tenait pas à la fenêtre, et ne montrait point par des signes extérieurs qu'elle attendit quelque grand événement. Mais au premier bruit des roues, elle se leva, les oreilles au guet, pour entendre le pas de Mrs. Bold ou la voix joyeuse de Bertie l'introduisant dans la maison. L'un ou l'autre son lui eut appris que tout allait bien, mais elle ne devait entendre ni l'un ni l'autre. Son père, lentement et pesamment, descendit de voiture, traversa le vestibule et entra dans son cabinet de travail. « Envoyez-moi Miss Stanhope, » dit-il au domestique. « Il y a quelque chose qui va mal, » dit Madeleine, étendue sur un sofa dans l'arrière-salon. « L'affaire de Bertie est manquée, » répondit Charlotte. « je sais, » dit-elle au domestique qui venait faire la commission. « Dites à mon père que je vais le trouver immédiatement. » « Adieu le mariage de Bertie, » dit Madeleine. « Je le prévoyais. C'est de sa faute. Elle ne demandait qu'à se laisser faire, j'en suis sûr. » répliqua Charlotte, de ce ton méprisant qui n'est pas rare chez une femme parlant d'une autre femme. « Qu'allez-vous lui dire maintenant ?» Par lui, la signora voulait désigner son père. « Cela dépend des dispositions où je vais le trouver. » Il était prêt à donner 200 livres pour apaiser les créanciers les plus impatients de Bertie, si le mariage s'était fait. « Il faudrait qu'il donne cet argent à Bertie et que celui-ci s'en aille chercher fortune ailleurs. »« Où est-il maintenant ?»« Dieu le sait. » Fumant son cigare sur le gazon d'Eula Thorne, ou faisant du sentiment avec les Mrs. Chadwick. Rien ne peut faire impression sur lui, mais il va être furieux si je ne descends pas. Ne soyez pas longue, Charlotte. Je voudrais prendre mon thé. Charlotte descendit donc dans le cabinet de son père. Elle n'avait jamais vu au vieillard l'air si sombre. Il était assis dans son fauteuil, non confortablement, près du feu, mais au milieu de la pièce, attendant la venue de sa fille. « Qu'est devenu votre frère ? » demanda-t-il aussitôt que la porte fut fermée. « C'est à vous que je devrais le demander, » dit Charlotte. « Je vous ai laissé ensemble à Eula Thorne en partant. Qu'avez-vous fait de Mrs. Bold ?»« Mrs. Bold. Elle est retournée chez elle comme elle devait le faire. Je me réjouis sincèrement qu'elle ne soit pas sacrifiée à un réprouvé, un sans-cœur. Oh, papa ! Un réprouvé, un sans-cœur ! Dites-moi où il est maintenant et ce qu'il fait. Je me suis laissé berner par vous. » Un mariage, vraiment. Qui donc aurait assez d'argent et de considération à perdre pour l'épouser ? Il est inutile de me gronder, papa. J'ai fait pour le mieux pour lui et pour vous. Et Madeleine ne vaut pas mieux que lui, ajouta le chanoine, qui était exaspéré. Oh, je suppose qu'à nous tous, nous ne valons rien, répliqua Charlotte. Le vieillard poussa un profond soupir. Si ses enfants étaient tous mauvais, qui donc les avait fait mauvais ? S'ils étaient sans principe, sans charité, sans considération, qui devait porter le blâme d'une éducation qui avait produit de si déplorables effets ? Je sais qu'à vous tous, vous me ruinez. Quelle folie, papa ! Vous vivez maintenant sur votre revenu, et s'il y a de nouvelles dettes, je ne les connais pas. Certes, il ne doit pas y en avoir. Nous menons une vie assez maussade. Et les billets de Madeleine sont-ils payés ? Non, qui les payerait ? Son mari le pourrait. Son mari, voulez-vous que je lui dise ? Votre intention est-elle de la renvoyer de chez vous ? Je voudrais qu'elle sût mieux se tenir. Qu'y a-t-il encore ? Qu'a-t-elle fait ? C'est aujourd'hui la seconde fois seulement qu'elle est sortie depuis que nous sommes arrivés dans cette odieuse ville. Le docteur resta silencieux quelque temps, méditant sous quelle forme il déclarerait sa résolution. « Eh bien, papa, dit Charlotte, dois-je rester ici ou aller donner le thé à maman ? « Vous êtes dans la confidence de votre frère. Dites-moi ce qu'il compte faire. »« Rien, que je sache. Rien, rien. Rien que manger et boire et dépenser jusqu'au dernier shilling de ma fortune. Je suis décidé, Charlotte. Il ne mangera plus, il ne boira plus chez moi. »« Très bien. Je suppose alors qu'il retournera en Italie. Qu'il aille où il voudra. »« Cela est vite dit, papa, mais qu'est-ce que cela signifie ? Vous ne pouvez pas le laisser. »« Cela signifie, » dit le docteur avec des éclats de voix, et des yeux enflammés de colère. « Cela signifie, aussi vrai que Dieu nous gouverne dans le ciel, que je ne veux pas nourrir plus longtemps sa fainéantise. »« Oh, ne parlons pas de Dieu ni du ciel. C'est à vous, à gouverner votre fils sur la terre. La question est celle-ci, que ferez-vous de lui? Vous ne pouvez le jeter hors de chez vous, le réduisant à mendier dans la rue. Qu'il mendie, si cela lui fait plaisir. Il faut qu'il retourne à Carrare. C'est là qu'il vivra avec le moins de frais, et dans une petite localité comme celle-là, il ne trouvera personne pour lui prêter plus de 200 ou 300 pôles. Mais vous devez lui donner de quoi s'y rendre. Aussi vrai que... Oh, papa, ne jurez pas. Vous savez bien qu'il le faut. Vous étiez prêt à payer 200 livres pour lui si le mariage réussissait. La moitié de cette somme lui permettra de retourner à Carrare. Quoi? Lui donner 100 livres? Nous ne savons pas encore comment les choses tourneront, dit Charlotte, jugeant plus sage de changer de conversation. Il est possible qu'à cette heure il soit engagé à Mrs. Bold. Sottise, répondit le père, qui avait vu avec quel visage Éléanor montait en voiture, tandis que Bertie se tenait à distance, sans lui offrir la main. Eh bien alors, il faut qu'il retourne à Carrare. Juste à ce moment, la porte d'entrée fut ouverte, et l'oreille fine de Charlotte entendit Bertie marcher à pas de loup dans le vestibule. Elle ne dit rien, car pour le moment, Bertie n'avait rien de mieux à faire que d'éviter son père. Mais le docteur avait aussi entendu ouvrir la porte. « Qui est-ce ? » demanda-t-il. Charlotte ne répondit pas. « Qui vient d'entrer ? » demanda-t-il de nouveau. « Ouvrez la porte. Qui est-ce ? » « Bertie, je suppose. » « Dites-lui de venir. » Mais Bertie, qui était près de la porte du cabinet et avait entendu l'appel de son père, n'attendit pas un nouvel ordre et entra de son air le plus gai et le plus indifférent. C'était cette insouciance habituelle de son fils qui irritait le docteur, plus encore que son extravagance. « Eh bien, monsieur, » dit le docteur. « Et comment êtes-vous revenu, monsieur, avec votre belle compagne ?» dit Bertie. « Je suppose qu'elle n'est pas là-haut, Charlotte ?»« Bertie, » dit Charlotte, « papa n'est pas d'humeur à plaisanter. Il est très en colère contre vous. »« En colère ?» dit Bertie, ouvrant de grands yeux. Comme s'il n'avait jamais donné à son père la moindre cause de mécontentement. « Asseyez-vous, monsieur, je vous prie, » dit le docteur d'une voix sévère mais sans éclat de colère. « Je vous prierai de vous asseoir vous aussi, Charlotte. Votre mère peut attendre son thé quelques minutes. » Charlotte s'assit sur la chaise la plus rapprochée de la porte, avec un air de mauvaise humeur. Elle semblait dire à son père, « Eh bien, me voici. Vous ne direz pas que je ne vous obéis pas, mais je veux être fouettée si je me laisse convaincre par vous. » Et elle était décidée à ne pas se laisser convaincre. Elle était irritée aussi contre Bertie, mais sans être moins disposée pour cela à le défendre contre son père. Bertie s'assit aussi. Il approcha sa chaise d'une table sur laquelle il s'accouda, et appuyant confortablement sa figure sur une main, il se mit avec l'autre main à dessiner sur une feuille de papier. Avant la fin de l'entretien, il avait tracé d'admirables portraits de Miss Thorne, Mrs. Proudie et Lady de Courcy, et commencer le groupe de la famille Lookaloft. Vous plairait-il, monsieur, dit le père, de me donner une idée de vos intentions présentes? Comment comptez-vous vivre maintenant? Je ferai ce que vous me suggérerez, monsieur. Non, je n'ai plus rien à suggérer. Il ne me reste qu'à commander. Je veux que vous quittiez la maison. Cette nuit? Dit Bertie du ton le plus naturel. Papa ne veut pas dire cette nuit même, dit Charlotte. « Du moins, je ne le suppose pas. »« Demain, » dit le docteur. « Vous partirez demain. »« Très bien, monsieur. »« Serait-ce assez tôt par le train de 4h30 du matin ?» Et en faisant cette question, Bertie donnait un dernier trait aux bottines à haut talon de Miss Thorne. « Vous partirez quand et comme vous voudrez, pourvu que ce soit demain. Vous vous êtes déshonoré, monsieur. Vous m'avez déshonoré ainsi que vos sœurs. »« Je suis heureux, au moins. » de n'avoir pas déshonoré ma mère. Charlotte put à peine tenir son sérieux, mais le front du docteur devint plus menaçant que jamais. Bertie était en train d'exécuter son chef-d'œuvre, le nez et la bouche de Mrs. Proudie. Vous êtes un réprouvé, monsieur. Vous n'avez ni cœur ni reconnaissance. Vous n'êtes bon à rien. Je ne vous connais plus. Je ne puis vous empêcher d'être mon fils, mais vous n'existez plus pour moi comme mon enfant. Oh, papa, papa, vous ne devez pas parler ainsi, dit Charlotte. « Je parlerai ainsi et je ferai comme je le dis, » répondit le père en se levant. « Maintenant sortez, monsieur. »« Arrêtez, arrêtez, » dit Charlotte. « Pourquoi ne parlez-vous pas, Bertie? C'est votre attitude qui irrite si fort, papa. »« Il est étranger à tout ce qui est convenance, » dit le docteur, puis avec un éclat. « Sortez, monsieur, ne m'entendez-vous pas ?»« Papa, papa, Je ne vous laisserai pas le quitter ainsi. Je sais que vous en seriez désolé. » Puis elle ajouta, lui parlant à l'oreille, « Est-il seul à blâmer? Pensez-y bien. Comme nous avons fait notre lit, nous devons nous coucher. Il est inutile de nous quereller entre nous. » Et tandis qu'elle achevait de parler, Bertie finissait le buste de la comtesse. Il était si habilement exécuté qu'on eût cru lui voir le balancement de droite à gauche qui était particulier à la noble dame. « Mon père est en colère en ce moment, » dit Bertie, levant un instant les yeux de son papier, « parce que je ne vais pas épouser Mrs. Bold. Que puis-je dire là-dessus? Il est vrai que je ne vais pas l'épouser. D'abord, c'est faux, monsieur, ce n'est pas là ce qui mérite, mais je ne veux pas discuter avec vous. Tout à l'heure, vous étiez en colère parce que je ne parlais pas, » dit Bertie, attaquant une des Mrs. Lookaloft. « Laissez-la ce dessin, » dit Charlotte, allant à lui et retirant le papier. Elle conserva d'ailleurs les caricatures et les montra plus tard aux amis des Thorne, des Proudy, des Courcy. Bertie, privé de son occupation, s'appuya sur le dossier de sa chaise et attendit de nouveaux ordres. « Il sera certainement pour le mieux que Bertie s'en aille, peut-être demain, » dit Charlotte. « Mais je vous prie, papa, prenons quelques dispositions. » S'il part demain, je lui donnerai 10 livres, et le banquier de Carrare lui paiera 5 livres par mois tant qu'il restera dans cette ville. « Alors, monsieur, cela ne durera pas longtemps, » dit Bertie. « Avant 3 mois, je serai mort de faim. »« Il lui faudra du marbre pour travailler, » dit Charlotte. « J'en ai assez dans mon atelier pour ces 3 mois, » dit Bertie. « Il est inutile de commencer un grand travail, avec si peu de temps devant soi, mais je pourrai toujours sculpter la pierre de ma tombe. » On finit par s'accorder. Le docteur fit à son fils des conditions plus libérales, et Charlotte sut amener son père à donner la main à Bertie. Le docteur ne voulait pas aller prendre le thé en famille. Il se fit apporter par sa fille le sien dans son cabinet. Quant à Bertie, il monta et passa une agréable soirée. Il termina le groupe des Lookaloft au grand plaisir de ses sœurs. Voyant leur disposition, il se laissa aller à leur dire qu'il n'avait pas fait à la veuve une cour très pressante. « Je suppose que vous n'avez fait aucune proposition, » dit Charlotte. « Oh, je lui ai laissé comprendre que si elle voulait de moi, elle n'avait qu'à le dire. »« Et elle ne l'a pas dit, » dit la signora. « Vous avez fait échouer piteusement mon plan, » dit Charlotte. « Vous lui avez tout raconté, j'imagine ?»« Oh, cela est venu naturellement. »« Tout est donc fini de ce côté, » dit Charlotte. « Mais peu importe. J'espère que nous serons bientôt retournés à Com. »« Je l'espère bien aussi. » dit la signora. La vue de toutes ces longues redingotes me rend malade. Si ce monsieur Slow vit encore ici, ce sera ma mort. C'est un homme perdu, je le crains, dit Charlotte. Et quant à mon second amoureux à longues redingotes, je veux, avec un admirable désintéressement, faire présent de lui à une autre femme. Le lendemain, fidèle à sa promesse, Bertie partit, avec 20 livres dans sa poche, pour Carrare. Il disparaît ainsi de notre scène. Le jour suivant, à midi, Mrs. Bold, fidèle aussi à sa parole, frappait à la porte du docteur Stanhope d'une main timide, le cœur palpitant. On l'introduisit dans l'arrière-salon, dont toutes les portes étaient fermées, de façon qu'elle fût bien seule avec la signora. En montant l'escalier, elle ne vit personne de la famille, à sa grande satisfaction. « C'est bien aimable à vous, Mrs. Bold, après ce qui s'est passé, » dit la signora avec son plus charmant sourire. « Votre insistance me faisait une nécessité de venir. »« Oui, je voulais vous forcer à venir. »« Eh bien, signora, me voici. »« Comme vous êtes froide pour moi. »« Mais laissons cela. »« Je sais que vous avez quelques raisons de nous en vouloir à tous. »« Pauvre Bertie, si vous saviez tout, vous ne seriez pas fâché contre lui. »« Je ne suis pas fâché contre votre frère, pas le moins du monde. » Mais j'espère que vous ne m'avez pas fait venir pour me parler de lui. Si c'est contre Charlotte que vous êtes irrité, c'est pire encore, car vous n'avez pas d'amis plus chauds dans Barchester. Mais ce n'est pas pour vous parler de tout cela que je vous ai prié de venir. Je vous en prie, approchez votre chaise, Mrs. Bold, que je puisse vous voir. Il est si bizarre que vous vous teniez ainsi loin de moi. » Eleanor fit ce qu'on lui demandait et plaça sa chaise tout près du sofa. « Et maintenant, Mrs. Bold, je vais vous dire une chose que vous jugerez peut-être indiscrète, mais je sais que je fais bien en agissant ainsi. » Mrs. Bold ne répondit pas, mais eut un léger frisson sur sa chaise. La signora, elle le savait, ne brillait pas par la délicatesse, et ce qui lui semblait indiscret pouvait paraître à elle, Eleanor, absolument inconvenant. « Vous connaissez, je crois, Monsieur Arabin ?»« Mrs. Bold aurait donné tout au monde pour ne pas rougir, mais elle n'avait pas d'empire sur les mouvements de son sang. Elle rougit jusqu'aux cheveux, et la signora qui l'avait fait asseoir en pleine lumière pour pouvoir l'observer vit cette rougeur. « Oui, je le connais. Peu, d'ailleurs. C'est un ami intime du docteur Grantly, et le docteur Grantly est mon beau-frère. Eh bien, si vous connaissez Monsieur Arabin, je suis certaine qu'il doit vous plaire. Tous ceux qu'il connaisse doivent l'aimer. » Mrs. Bold sentit qu'il lui était impossible de répondre. Il lui semblait que tout son sang lui montait violemment au visage et qu'elle éprouvait sur sa chaise une sorte de balancement. Elle se sentait presque étouffée de chaleur. Néanmoins, elle demeura assise sans rien dire. « Que vous êtes raide avec moi, Mrs. Bold, » dit la signora. « Et cela, quand je cherche à faire pour vous tout ce qu'une femme peut faire pour une autre femme. » Eleanor eut idée que peut-être l'amitié de la signora était sincère et qu'en tout cas elle n'avait rien qui pût la froisser. Puis une autre idée passa comme un éclair dans son esprit, que M. Arabin avait trop de valeur pour qu'on s'exposât à le perdre. Elle méprisait la signora, mais ne pouvait-elle se courber un peu pour remporter un tel prix ? « Je ne veux pas être raide, » dit-elle, « mais vos questions sont si singulières. » « Eh bien, je ne vous ferai plus qu'une question singulière, » dit Madeleine Neroni, se soulevant sur le coude et regardant Eleanor bien en face. « L'aimez-vous ? L'aimez-vous de toute la force de votre cœur et de votre âme, de tout l'amour qui est en vous ? Je puis vous dire que pour lui, il vous aime, il vous adore, il ne pense qu'à vous. Et il pense à vous en ce moment où il essaie d'écrire son sermon de dimanche prochain. Que ne donnerais-je pas pour être aimé ainsi par un tel homme, je veux dire, si j'étais une femme qu'un homme pût aimer ?» Mrs. Bold était debout, muette, devant la femme qui lui parlait avec tant de passion. Quand la signora fit allusion à elle-même, Eleanor éprouva quelque pitié et mit sa main sur celle de Madeleine, posée sur la table. La signora la saisit vivement et continua. « Ce que je vous dis est la vérité même, et je vous le dis pour que vous le tourniez au profit de votre propre bonheur. Mais ne me trahissez pas. Il ignore que je connais le fond de son cœur. Il est simple comme un enfant en matière d'amour. Il m'a dit son secret de mille façons parce qu'il ne sait pas dissimuler. Mais il ne se doute pas qu'il me l'a dit. Vous le connaissez maintenant. Usez de cette connaissance. » Eleanor répondit par une légère pression à celle de la main qui tenait la sienne. « Et rappelez-vous-le, » continua la signora, « il n'est pas comme les autres hommes. N'attendez pas qu'il vienne à vous avec des sermons et de petits présents, s'agenouiller à vos pieds et baiser les lacets de vos bottines. Si vous en voulez de ces gens-là, il n'en manque pas. Mais il n'est pas fait, lui, de cette étoffe. » Eleanor étouffa un violent soupir. Madeleine, sans paraître s'en apercevoir, continua. « Avec lui, oui et oui, non et non. Son cœur dut-il en être brisé ? La femme qui l'aura rejeté une fois l'aura rejeté pour la première et la dernière fois. Maintenant, Mrs. Bold, je ne veux pas vous retenir, car vous êtes agitée. Je crois pouvoir deviner quel usage vous ferez de ma communication. Si vous êtes jamais l'épouse heureuse de cet homme, nous serons alors bien loin. » « Mais je compte que vous m'écrirez un mot pour me dire que vous avez pardonné les torts de ma famille. » Eleanor murmura confusément qu'elle le ferait. Puis, sans ajouter un mot, elle se glissa hors du salon, descendit l'escalier, ouvrit la porte d'entrée sans entendre ni voir personne, et se trouva sur le parvis. Il serait difficile d'analyser les sentiments d'Eleanor tandis qu'elle retournait chez elle. Elle était comme stupéfaite de ce qu'on venait de lui dire. Elle souffrait de voir que ses sentiments eussent été ainsi scrutés et démêlés par une personne qui était presque une étrangère pour elle, par une femme qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'aimerait jamais. Elle était mortifiée que l'homme qu'elle aimait lui ait caché son amour à elle-même et lui laissait connaître à une autre. Il y avait dans cette situation de quoi blesser sa fierté. Il y avait aussi comme la perspective, lointaine peut-être et encore voilée, d'un bonheur inespéré. Elle essaya de ne pas croire à ce que lui avait dit Madame Neroni. Elle ne le put pas. Ce devait être vrai. C'était vrai. Elle ne pouvait ni ne voulait en douter. Sur un point, elle résolut de suivre entièrement l'avis qu'on lui avait donné. S'il plaisait un jour à M. Arabin de lui faire une certaine question, son oui serait nettement un oui. Toutes ces misères ne seraient-elles pas à leur terme, si elle pouvait les lui raconter à cœur ouvert, la tête appuyée sur son épaule ?